CFOU 89.1. Cette semaine, on met du plan de show. Dans Television, Television, Watatata ressuscitera grâce à prise 2. Moi, j'ai hâte de pouvoir revivre la honte que j'avais quand je regardais ça à l'époque. Dans ce segment Geek Series, un scanner compte le nombre de calories dans l'assiette. J'aimerais qu'on me dise le nombre de chips qui me reste dans mon sac pour que je puisse mieux les savourer. Et dans la geekette en devenir, les princesses de Disney portent la barbe. Ben oui, Movember gâche toujours tout. Tout ça et plus tout de suite au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Et voici celui qui est cool, Karama Bazin, écœurant, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Michel Couillard et un peu comme les Couillards avaient besoin de leur mère pour pas faire des niaiseries, j'ai besoin de quelqu'un avec qui parler, donc j'accueille Maria Picard. Salut! Bonjour, mais je voudrais juste dire que je suis pas ta mère, alors tu peux faire des niaiseries. Non, mais t'agis comme! Non. Ouais! Hein? Mathieu Plante, c'était facile! Là. J'ai dit que t'étais cool, trippant, quand elle m'a buzzé, puis là tu me remercies comme ça. C'est vrai, mais moi les compliments, c'est ça. Donc, bonjour, bienvenue à toi, bienvenue à vous, où que vous soyez pour le Mathieu Plante Show. Plus tard à l'émission, on va avoir C'est un fait, Tech Edition, le segment Geek, CNX, la Geekette en devenir à la fin de l'émission, bien sûr. Et oui, c'est moi ça. Ton petit survol de ce que t'as trouvé de le fun sur le net. Dans quelques instants, on va débuter avec Television, Television, mais avant ça, un petit peu de musique chiptune. Chiptune! Oui, on s'en va entendre. C'est rendu une habitude, je crois que ça fait 3 semaines de suite que je fais jouer du Laffy de Fox. Oui, oui. C'est toujours vraiment bon. Le voici avec en featuring, en fait, sur une pièce de J.K. LOL. Voici Date Night. Mathieu Plante Show. Boum, bada boum, boum, boum. Just kidding, what, la fable. On n'a pas une version chiptune de la chanson thème de Watatata. Non, hein, il devrait, par exemple. Où sont les Québécois? Les mots. On est tellement arriérés. Yeah. J.K. Lolly, Laffy de Fox avec la pièce Date Night dans le Mathieu Plante Show. Maintenant, on commence l'émission comme on le faisait avant, mais tu sais, on varie l'ordre des fois. Ah oui, c'est ça. C'est le fun. Hein? C'est pas stagnant. Ben non, c'est ça, parce que si tout apparaît, ben c'est que tu stagnes. Exactement. Voyons hein, donc, pas blasé. Pas de changement, pas d'agrément. C'est ça. Hein? Comme disait la grande... Les Robidoux, non? Ah. Les Robidoux. Ouais. Hey, blague de radio en fer, j'aime ouais. ça. Voici Télévision, Télévision. C'est Télévision, la chronique télé du Mathieu Plamchon, bien sûr. Et on commence avec Télé-Québec. Oui, on commence toujours local pour élargir ensuite. On commence avec Télé-Québec qui dévoile l'équipe des 6 comédiens de l'émission Saturday Night Live Québec. Oh yes! Oh, vas-y, défile-moi ça. Ben, je vais te le défiler et tu connaîtras sûrement personne là-dedans sauf un nom de famille. Ah ouais, mon Dieu, OK. Donc, Catherine Levac, Léane Labrèche d'Or, Mathieu Quesnel, Phil Roy, Pierre-Luc Funk et Virginie Fortin composeront la troupe de comédiens maison de SNL Québec, version québécoise de Saturday Night Live qui sera diffusée à Télé-Québec à l'hiver. Donc, la seule qu'on connaît de nom, c'est la fille de Marc Labrèche, Léane Labrèche d'Or. Ah oui, ben j'étais pas sûre, je me suis dit, c'est vraiment elle? C'est bien elle. Elle a notamment participé aux émissions 30 Vies et Les Bobos à la télévision. Ouais. Okay. Quand même, pas une nouvelle dans le domaine. Ouais. Phil Roy et Virginie Fortin ont, pour leur part, été finalistes au concours En route vers mon premier gala sur les ondes de Math TV cette année. C'est ce qui menait vers Juste pour rire. Virginie Fortin a d'ailleurs été déclarée grande gagnante du concours. Donc, quand même, pas un petit nom hein, pour l'indie humoristique. La franco-ontarienne Catherine Levac est issue de la QV 2013 de l'École nationale de l'humour. Cool. Mm-hmm. Mm-hmm. Mathieu Quesnel et Pierre-Luc Funk ont tous les deux participé à différents projets à la télé et au cinéma. S'ils ne précisent pas, c'est que c'est des affaires que vous ne connaîtriez pas. Ouais. Connaîtriez pas. Bref. Diffusé à NBC, Saturday Night Live est actuellement à sa 39e saison. Chaque semaine, l'émission accueille une célébrité qui assure l'animation de la soirée et participe aux différents sketchs humoristiques. On a déjà parlé pour la version québécoise qu'il va y avoir deux émissions spéciales de 90 minutes. Louis-José Hood va animé la première le 8 février et Stéphane Rousseau va être à la deuxième le 22 mars. Oh, quand même! Ce qui pourrait mener vers une série complète, j'imagine, dans le futur, ouais. si ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Bien, des gens sont sceptiques. Moi, je m'attends à quelque chose de bon parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parle et il y a juste deux émissions de 90 minutes. Ouais, mais c'est ça, par exemple, là. Par contre, moi, ça, je suis pas d'accord. Ben, moi, je suis pas d'accord, mais je veux dire, juste en deux émissions, ils ont peut-être pas nécessairement le temps de, tu sais, SNL, là. Se roder. Ouais. C'est ça. C'est du rodage, beaucoup, là. Exactement. Ce que je me dis aussi, ça il me semble. Plate, il aurait dû faire un peu comme les Français avaient fait, et là, je me lance dans des informations dont je suis pas au courant, mais en France, ils avaient fait, je crois, 4, 5, 6 épisodes des semaines qui s'affilaient. Oui. C'était un petit peu trop basé sur les sketchs originaux, mais c'est ce que le Québec va faire aussi. On va prendre des sketchs de la galerie de sketchs de SNL. Okay. Donc, il n'y a pas d'écriture locale. Ah, okay, peut-être quelques gags, là, mais sinon, c'est des sketchs qu'on connaît là, de l'émission américaine. Et depuis le début, ils ont vraiment le droit de prendre tout depuis le début. Oh. Donc, si c'est le cas, qu'ils peuvent puiser sur toute la série, ils devraient prendre vraiment les meilleurs sketchs parce que c'est le défaut de SNL aux États-Unis. Oui. C'est que dans une émission de 90 minutes, t'as quoi, 20 minutes de drôle, puis le reste, c'est vraiment... C'est ça. Tout le temps les mêmes sketchs, les mêmes environnements. Parce que si je me dis, ce serait plate, mettons, qu'ils laissent tomber pour juste après deux émissions. Là, exactement. Ça pourrait devenir super bon aussi, là, le temps qu'ils se rodent. Ce que je trouve drôle, c'est qu'ils ont seulement 6 comédiens maison, sûrement pour que ça coûte moins cher. Mais aux États-Unis, je pense que le casting, c'est comme 15-12 points. Oh, ouais, au moins. Là. Mais peut-être qu'ils veulent pas voir trop grand pour commencer. Là, puis si, mettons, ça va bien, là, ils vont en rajouter... Exact. Et moi, je m'attends vraiment à ce que l'artiste invité soit dans littéralement chaque sketch. Oui. Aux États-Unis, c'est pas ça. C'est souvent, ils vont faire 2-3 sketchs dépendant c'est qui. T'sais. Ouais, c'est ça. Quand ils sont très bons, ils vont les mettre pas mal partout. Quand c'est des acteurs. Moins, un petit rôle. Ouais, c'est ça. Quand c'est des chanteurs ou des vedettes du sport particulièrement. Ouais, c'est moins. Ils sont moins dans les sketchs. Hein? T'es même pas en évidence, mettons. Non, c'est ça. On va suivre ça donc au mois de février et de mars. Maintenant, la Chine fait ses provisions de LOL. On reste au Québec, mais un petit peu international worldwide. LOL va envahir la télé chinoise l'hiver prochain. En plus d'adapter la série, les Chinois diffuseront la version originale québécoise. Et c'est ça, parce que je veux dire, pourquoi adapter une série qui a aucun dialogue? Mais j'imagine pour le contexte, peut-être, je sais pas si ça va être politique ou les traditions, c'est peut-être les formules de politesse sont pas les mêmes, je sais pas. Il y a plein de choses qui sont différentes en Asie. Bref, les trois premières saisons de LOL seront présentées dès janvier prochain, confirme le créateur Pierre Paquin. Cette nouvelle survient quelques semaines avant qu'on commence à tourner l'adaptation chinoise de LOL. Pierre Paquin est d'ailleurs allé à Pékin la semaine dernière pour aller pour aider les Chinois dans leur démarche. Producteur de LOL et vice-président de Québécom, Denis Savard était aussi du voyage. Les hommes ont participé à plusieurs tables rondes avec les auteurs de SHC Media, la compagnie détentrice des droits d'adaptation du format en Chine. Une traductrice assistait à chacune des réunions. Traductrice. Mm-hmm. Mais ça, c'est vraiment une émission où il n'y a pas de voix dans LOL. C'est des sketchs visuels. Il y a peut-être quelques mots par-ci par-là. Ouais. Parce que je sais que ça joue en anglais, puis je pense pas qu'il y ait d'adaptation ni de doublage. Hein. C'est bon. Ouais, je pense que c'est certain, mais je pense que t'as raison. Tu me verras jamais regarder LOL de toute façon. Je veux non, dire, c'est ça. On s'entend là-dessus que c'est pas de l'humour très, très. C'est très de pas basse gamme, là, mais c'est très. Grand public, même. Ouais, exactement. C'est ça. Ça fait un job des fois. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Encore une fois, on va suivre ça. Maintenant, Watatatar qui va ressusciter grâce à Prise 2. Oui, après les coffrets DVD des meilleurs épisodes, la série jeunesse Watatatar, qui a ravi toute une génération lors de sa diffusion à l'antenne de Radio-Canada de 91 à 2005, va revenir le 6 janvier grâce à Prise 2. Les abonnés de la chaîne nostalgique du groupe TVA pourront redécouvrir la saison 1 à raison de deux épisodes diffusés l'un après l'autre dès 20h chaque lundi, un peu à la formule, à la façon de Radio Enfer en ce moment. Je sais pas si Kilomètre-Heure fait ça, mais je sais qu'il y a plusieurs émissions qui sont en épisode doublé une fois par semaine. C'est dans cette production qui touchait à plusieurs thèmes associés aux adolescents que les vedettes d'aujourd'hui ont été révélées au fil des ans. On parle de Charles Lafortune, Yann Englen, de Serge Postigo, Michel Charette, Sophie Cadieux, Fabien Dupuis, Réal Bossé, Suzanne Clément et Julie Le Breton. Quelques 1220 épisodes ont été tournés à partir des textes signés par des auteurs qui ont aussi fait leurs premières armes, dont Richard Blémer, des Hauts et les Bas de Sophie Paquin, et Isabelle Langlois de Rumeurs et Mauvais Karma. Donc quand même, ça va bien aller avec Radio Enfer. J'imagine que Radio Enfer doit avoir un certain succès à Prise 2. Il va chercher une autre émission jeunesse pour aller avec. Ouais, t'as probablement raison. Ça fait bien du sens, en tout cas, quand tu le dis. Ben, c'est qu'à côté de, mettons, Histoire de filles ou Kilomètre-Heure, Radio Enfer clash un peu, tu sais. Ouais, c'est à côté vrai. De Watatata, ça a du sens. Ça a l'air. C'est ça, c'est adolescent, c'est... Un petit bloc jeunesse. Moi, personnellement, si j'étais directeur de la programmation de Prise 2, qui n'aimerait pas l'aide, parce que ça peut pas être pire que c'est en ce moment, hein. Pour moi, je trouve l'horaire est vraiment mauvais. Ça devrait être un bloc jeunesse, vraiment, à tous les jours, 5 soirs semaine. Ouais. T'aurais Radio Enfer, Watatata. Il y a assez d'épisodes pour le faire. Aux États-Unis, il y a beaucoup moins d'épisodes de certaines séries, puis il la passe deux fois par jour. Fait que, c'est ça. À un moment donné... tu sais, Annie et ses hommes, si tu veux te rattraper ça... C'est un épisode par semaine, là? Ouais. Ça va prendre longtemps, du temps. Hein? C'est ouais, ça. C'est ça. En tout cas, moi, je comprends pas leur programmation, mais. C'est pas... Ouais, mais ça fait pas de sens. J'aime ça. Mais en tout cas, présente-toi. Oui, merci. Il y a une nouvelle série pour le web de la part de ZTV qui commence. Ouh. Donc, tournage d'une nouvelle série qui s'appelle Agent Secret qui va être mise en ligne à ZTV.com au printemps 2014. Et une vingtaine de comédiens vont participer à ce projet-là et il y a des noms vraiment le fun. On parle de Magali Lépine-Blondeau de Unité de Choses 19-2. Oui. 19-2. Julien Poulain de Minuit le Soir. Oui. Ève Landry de Je crois l'affaire de Grenade avec ça. Émile Procloutier et Paul Amarani qu'on connaît de la Job. Entre autres, et aussi du groupe de musique Paul Amarani et les Nouveaux Mariés. Bref, Agent Secret, je l'adore ce gars-là. Wow. Une production de LP8 Media propose un univers absurde, drôle et électrisant où se côtoie humour noir, situation improbable et scène d'action. Donc, Tom, joué par Patrick Yvon, un agent secret hyper entraîné, mystérieux et colérique qui est obsédé par le désir de détruire le mal et travaille pour l'agence. L'agence, dont le patron, joué par Normand Lévesque, lui confie des missions qui consistent à stopper les agissements de méchants vraiment méchants, animés par de sombres intentions. C'est cool. Tom, c'est ça. Agent secret. Tom, agent secret, comme James Bond. Allez voir ça sur ZTV.com au printemps. C'est produit avec la participation du Fonds indépendant de production qui accorde un soutien financier essentiel à la réalisation de ces 8 épisodes de 6 minutes chacun. C'est vraiment du petit concentré de plaisir. Ouais. Mais il aurait pas dû appeler l'agent Tom, parce que ça me fait trop penser à Tom et Julie, les intrépides. Ah oui! Tout devient limpide. Eh oui. Maintenant, on parle de Télétoon. On dit moins de séries québécoises à Télétoon. C'est un article de la presse. Les producteurs québécois de séries d'animation pour enfants se sont rarement autant intéressés à une transaction au petit écran. Avec raison, certains de leurs futurs contrats avec Télétoon, leur principal client du pays, pourraient être en jeu, selon l'Association québécoise de la production médiatique. Dans le cadre de la transaction Bell Astral, Corus est entendu pour acheter 7 chaînes de télé, Historia, Série Plus, Cartoon Network et 4 chaînes Télétoon. On parle de Télétoon en anglais, Télétoon Rétro et Télétoon Rétro en anglais. Mm-hmm. et de deux stations de radio d'Astral pour 400 millions de dollars. Un détail de cette transaction qui doit être avalisé par le CRTC inquiète toutefois l'Association québécoise de production médiatique. En raison de leur licence actuelle, les quatre chaînes Télétoon doivent dépenser 47% de leurs revenus, soit 39,5 millions, en émissions canadiennes, dont 90% en émissions d'animation. Ce qui est quand même ironique, il reste 10% pour du non-animation alors que c'est Télétoon, là, mais bon. Ouais. Que voulez-vous? Corus demande à ce que l'obligation de programmation canadienne de Télétoon soit plutôt calculée de façon intégrée avec les autres chaînes de Corus, comme c'est le cas de ses concurrents Bell Media, Rogers Media et Shaw Media. Corus assure de ne pas avoir l'intention de diminuer ses dépenses en programmation dans ses chaînes Télétoon, particulièrement en francophone. La QPM s'oppose avec véhémence à cette demande de Corus qui signifierait une réduction nette et significative des sommes allouées au financement d'émissions originales canadiennes d'animation au profit d'autres catégories d'émissions qui ne seront pas donc de l'animation. La transaction Corus-Astral pose plusieurs autres dilemmes réglementaires au CRTC. Comme Corus et Shaw ont la famille Shaw comme actionnaire de contrôle, leurs parts de marché doivent être comptabilisées ensemble à des fins réglementaires. Donc, le duo Corus-Shaw détient 35,6% des parts de marché anglophones au petit écran, soit légèrement au-delà du seuil de 35% où le CRTC commence à s'inquiéter de la saine concurrence. Le conseil pourrait ainsi imposer à Corus et à Shaw les conditions de licence supplémentaires imposées à Bell pour acheter Astral, par exemple le code de déontologie, dépôt confidentiel de ses ententes de distribution, un paquet d'affaires techniques. Corus reconnaît que son cousin Shaw et elle deviendront plus imposants au Canada anglais à la suite de cette transaction, mais l'entreprise estime qu'elle aura aussi les reins plus solides pour croître au Québec. Donc, ils disent concurrencer Bell et Québécois au Québec n'est pas pour les cœurs sensibles, j'imagine. C'est ça. J'espère vraiment que ça ne deviendra pas moins Québécois à Télétoon parce que je trouve déjà qu'il n'y a pas beaucoup de stock. Québécois ou Canadien, ça peut aller, surtout dans l'animation. Je trouve que le Canada est quand même assez fort. Mm-hmm. Mais pour le reste... En tout cas, on en parle souvent du contenu canadien que ça manque au Canada. Ouais, c'est ça. Ensuite, parlons de Doctor Who et revenons à Zed. Parce que Zed va diffuser le spécial 50e anniversaire de Doctor Who. Après une fuite en ligne, la BBC a décidé de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce en version HD pour l'épisode spécial 50e anniversaire Doctor Who The Day of the Doctor. C'est l'épisode célébrant le 50e anniversaire de la série, écrit par Stephen Moffat, qui remplit également les fonctions de producteur délégué avec Faith Penhale. Il a été décrit par le producteur de la série, Marcus Wilson, comme une lettre d'amour aux fans, et par le contrôleur de la BBC One, Danny Cohen, comme un téléfilm événement. Il sera d'une durée de 75 minutes. Ça va être diffusé en simultané à travers le monde le samedi 23 novembre. Au Canada, l'épisode va être diffusé sur la chaîne Space. Et ZTV va diffuser l'épisode spécial le samedi 23 novembre. La BBC propose l'application sur Facebook pour vous voir, pour vous intégrer vous-même dans le générique de l'épisode en passant. Donc, allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Mais j'ai hâte de voir ça parce que, je veux dire, au Québec, on est vraiment tout le temps en retard sur les séries. Et là, j'imagine qu'on a un grand retard sur les intrigues dans Doctor Who. Donc, que l'épisode soit diffusé en même temps que partout dans le monde le 23 novembre, j'espère qu'on va être capable de suivre. D'après moi, ça va être un stand-alone qui va vraiment comme avoir une parenthèse de contenu. Je pense pas que ce soit relié avec le avant-après. En tout cas, j'espère que non. Sinon, on va être mêlé. Ouais, puis ça ferait comme pas de sens de l'écouter parce que là, on va se dire « Ah, ben là, je l'écoute-tu? Je l'écoute-tu pas? » Parce que là, exactement. Si je l'écoute, peut-être que je vais savoir quelque chose que je voudrais pas savoir parce que je suis pas rendu là, moi. C'est un peu comme, tu sais, mettons, je prends comme exemple Les Simpsons quand le film est sorti. Oui. C'est un film qui est une parenthèse, c'est un stand-alone. Ouais. Donc, t'as pas besoin de voir la saison, ça. Numéro, peu importe, pour... Ouais. Comprendre. Ah, ce serait pas pire, hein? Bon, donc c'est le 23 novembre. Ça va être le spécial 50e anniversaire de Doctor Who sur ZTV. Ensuite, NBC va diffuser le premier vol spatial commercial de Richard Branson. Ouh! Et eux qui ont rien de mieux autre que The Voice à diffuser en ce moment, à la voix. La chaîne américaine NBC a remporté la course spatiale de la télé. Le réseau a annoncé vendredi qu'il avait conclu un accord avec Virgin Galactic, l'entreprise de Richard Branson, pour télédiffuser le premier voyage commercial dans l'espace. Monsieur Branson et ses deux enfants adultes, Holly et Sam, seront les premiers passagers privés à se rendre dans l'espace l'an prochain par le biais de Virgin Galactic. Le lancement sera diffusé dans le cadre d'une présentation spéciale de l'émission Today, qui durera 3 heures. La maison de production Peacock de NBC offrira également des émissions liées au vol spatial sur leurs nombreuses chaînes. C'est un peu comme TVA, ils ont CNBC, MSNBC, Sci-Fi, Weather Channel, qui diffuse tout sur de la météo. Oui. La navette Spaceship 2 de Virgin Galactic décollera du Nouveau-Mexique. Intéressant. Deux nouvelles pour les fans d'animés japonais. Avec le succès mondial et la popularité des animés japonais, il est naturel que Hollywood y jette un œil des plus intéressés afin de gagner un nouveau marché. Hein? Ouais, toujours pour mettre la main, le grappin mais sur le contenu. Oui. Maintenant, les studios hollywoodiens sont à la recherche de séries ou films animés pour en faire des versions live-action, donc avec des humains, à gros budget afin de reconquérir les salles de cinéma. Quelques projets prometteurs. Selon TVQC.com, il y a entre autres Akira, C'est des gens comme Stéphanie Paradis qui vont en savoir plus que moi à ce sujet-là. Hein. C'est pas toi puis moi qui écouteront des animés japonais tant que ça, malheureusement. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Énormément d'intérêt de la part des studios américains pour faire une version avec des humains du film Akira. Il y a aussi, je vous raconterai pas le scénario, il y a Death Note aussi qui est en pourparlers et Cowboy Bebop. Donc voilà pour ça. Sinon, Netflix s'engage avec Marvel pour 4 séries originales. Là, on quitte un petit peu l'animé japonais pour juste les séries basées sur des bandes dessinées qui vont devenir des séries avec des humains, encore une fois. Réel, ouais. OK, cool. Donc, le site américain de vidéo, à la demande Netflix, a passé un accord de grande ampleur avec Marvel, une filiale du groupe Disney, pour créer plusieurs séries originales. L'accord couvre plusieurs années de programmes originaux, selon le communiqué de Marvel et Netflix. Donc, Netflix s'est engagé pour un minimum de 4 séries de 13 épisodes autour du héros de Marvel. La première sera centrée sur Daredevil et devrait être diffusée sur Netflix à partir de 2015. Netflix mise de plus en plus sur la production de séries originales et des accords exclusifs de diffusion avec les groupes de télévision pour se distinguer face à ses concurrents de plus en plus agressifs, notamment Amazon, qui développe énormément de ses services de vidéos sur Internet. Netflix avait déjà annoncé en juin un accord de grande ampleur avec les studios DreamWorks portant sur la création de séries originales avec les personnages de films comme Shrek, Madagascar ou Kung Fu Panda. On se rappelle, en fait, sûrement que vous vous rappellerez pas, donc je vous l'apprends peut-être un petit peu, mais il y avait plusieurs séries de Marvel diffusées sur G4 aux États-Unis dans les dernières années. Ils sont en rediffusion en ce moment aux États-Unis. Donc, c'est dans la continuité de ça, étant donné que G4 n'existe plus, comme on l'a déjà dit ici. Voilà. Ouais. Maintenant, Steve Carell va produire, écrire et réaliser une comédie satirique. Steve Carell produira donc cette série-là, Tribeca, série comique qui plantera sa caméra au sein de la police de Los Angeles pour la chaîne à péage TBS, diffuseur aux États-Unis de Cougar Town et American Dad. TBS tente d'enrichir son catalogue de séries avec cette histoire d'un groupe d'investigation de Los Angeles spécialisé dans les crimes sordides. Parmi ces policiers brillants mais excentriques se cache Angie Tribeca, un agent en poste depuis une dizaine d'années. Comédie satirique dans la veine de Brooklyn Nine-Nine qui est présentement sur la Fox avec Andy Samberg de SNL. On dit plein de mots que les gens comprennent peut-être pas, mais Saturday Night Live, Andy Samberg, un acteur dedans. Des fois, j'ai l'impression que personne ne comprend mes phrases quand je parle d'acteurs et de séries télé. Mais bon. Ben, moi, je le comprends. Ben, merci. Et c'est toi le public cible, dans le sens que les gens qui ne comprennent pas les émissions américaines, vous n'êtes peut-être pas à bonne émission. Voilà. C'est ça. Tribeca sera écrite, réalisée et filmée par Steve Carell de The Office, l'acteur qui avait déjà occupé ses postes même sur cette série-là. Rien n'indique encore si le comédien fera une apparition devant la caméra pour son nouveau projet. J'espère que oui, là. Il peut pas en faire, là. On s'attend à ça. Peu importe dans quel genre, là, faut qu'il soit là. Est-ce que je t'ai parlé de la série de télé-réalité mettant en vedette Mark et Donnie Wahlberg? Non, je croirais pas. Je crois qu'on avait glissé un mot il y a quelques mois, mais non, en effet, j'en ai pas assez parlé. Ouais. Donc parlons-en. Les frères Mark et Donnie Wahlberg seront les vedettes d'une nouvelle télé-réalité intitulée Wahlburgers. Jeu de mots. Tourné dans le restaurant de leur famille à Boston. Pour les besoins de l'émission, les deux acteurs retourneront dans leur ville natale. Pardonnez-moi, pour se joindre à leur frère Paul dans cette nouvelle aventure culinaire. La chaîne A&E qui diffusera la série a précisé que les caméras seront en tout temps posées sur les Wahlberg qui sont déterminés à faire de leur restaurant un succès à Boston et ailleurs. Ils devront d'ailleurs s'entendre sur l'emplacement de leur deuxième restaurant qui offrira des hamburgers. Évidemment, c'est le jeu de mots Wahlburgers. Tiens donc! Ça va diffuser à partir du 22 janvier. Cool. Ouais. Ensuite, une autre série d'animation s'en vient sur Fox par Seth MacFarlane de American Dad et Family Guy. Mm-hmm, ouais. Donc, Seth MacFarlane a proposé une nouvelle série d'animation à Fox. Le créateur de ces comédies dont on vient de parler a développé une quatrième série que la chaîne américaine diffusera à la rentrée 2014. À travers l'émission Border Town, Seth MacFarlane abordera le quotidien d'une ville fictive située dans le désert américain, proche de la frontière du Mexique. Son humour grinçant s'en prendra plus particulièrement à Bud Buckwald, un agent de la police des frontières. Toujours dans la police, hein? Ouais. Toutes les séries. Ce père de trois enfants se sent menacé par les changements culturels observés au sein de son entourage. Parmi ses voisins figure Ernesto Gonzalez, un immigré mexicain père de 4 enfants. Les deux familles vont alors lier des rapports de voisinage, faits d'amitié, de romance et surtout de conflits. Border Town rejoindra certainement le bloc des comédies d'animation que Fox propose chaque dimanche soir, aux côtés des Simpsons et des Griffins. Cette dernière, les Griffins depuis 1999 et les Simpsons depuis 89. Il y a aussi, c'est quoi l'émission de Burger, là? Qui est diffusé en ce moment, je me rappelle pas du nom, mais peu importe. Donc, le réalisateur du film Ted a perdu en mai dernier The Cleveland Show, ça a été retiré des ondes. Tandis que American Dad passe de Fox à TBS, on a déjà annoncé ça dans Television. Mm-hmm. Donc, ça va commencer en juillet 2014 pour la 11e saison. Puis c'est ça, il y a aussi la sitcom Dad's sur Fox, Seth MacFarlane. Donc, quand même, c'est sa maison Fox. Ouais. Ouais. Et pour terminer, ben, mauvaise nouvelle pour les fans de Soaps, All My Children ne reviendra pas. On avait annoncé que c'était de retour en ligne sur Internet, sur un site qui s'appelait comment? J'aimerais me rappeler du nom. C'était le Prospect Park, oui, qui diffusait All My Children et One Life to Live depuis avril 2013, après que ABC les ait retirés des ondes. Et bien voilà, donc One Life to Live était déjà retiré. Maintenant, All My Children était supposé revenir, mais ça ne reviendra pas. Bref, finalement, c'est un échec total. C'est ce que j'avais dit dans la chronique. Personne, il n'y a aucun amateur de soap qui a Internet. Presque, tu sais. Ouais, c'est vrai que ça fait bien du sens ce que tu viens de dire là. J'avais pas réalisé. La vidéo sur demande, c'est déjà compliqué, mais ce serait déjà une étape de plus que sur Internet seulement. Voilà. Mais bon, dans ce cas, bref. Non. Pas tant. Désolé. Et côté code d'écoute, maintenant au Québec, top 5, tout le monde en parle, les enfants de la télé, Bloopers TVA spécial. Salut, bonjour, hein, quand même intéressant. Ouais, salut, bonjour. Sûrement les seuls bons moments, salut, bonjour, c'est les Bloopers. Deuxième, Unité 9 à Radio-Canada et le banquier Céline Dion à TVA, devinez quoi, est numéro 1. Ah ben. Est-ce que la couverture des élections, même pas dans le top 15? Oh. Pas surprenant. Au Canada, ils s'en foutent un peu, je pense, la politique. D'après moi, oui. Céline Dion... Winner. C'est bien meilleur, Céline Dion. Dans le top anglophone canadien, 5e Grey's Anatomy, en 4e Big Bang Theory, en 3e Amazing Race, en 2e Hockey Night in Canada version Côte Est, et en première version, c'est NCIS sur Global le mardi soir à 20h. Et parlant de Céline Dion, tu savais qu'elle était là aussi pour lancer son nouveau CD. Ah ben oui. Il n'y a jamais rien pour rien. Ah, parce que c'est une pub dans le fond. Oui. Ah! Puis elle a chanté, paraît-il, une chanson. Ça en fait déjà pour voir ta pub quand même. Oui. Hein? Combien de gens, tu penses, ont regardé ça? Je crois que ça sortait le lendemain. Il devait avoir 1 million point quelque chose, là, presque 2, j'imagine. Là. Non, plus de 2 millions. 2 168 000. Aïe. Versus Unité 9, qui est en deuxième place avec 1 616 000. Au Canada, le numéro 1, NCIS, a 2 422 000. Donc, on accote le Canada anglais juste avec notre petite Céline Dion. Wow. Quasiment. On l'aime, Céline. Fumé. Bref, on passe à autre chose, s'il vous plaît. Hein? OK. Donc, voilà pour... Genre du chiptune? Oui, s'il te plaît. Ça t'entend-tu? Ah ouais. Pas sûr? On s'en va écouter une deuxième pièce de chiptune pour l'émission d'aujourd'hui. C'est Old Dirty Blaster par artiste 10SPD. Vous écoutez MPS, le Mathieu Plante Show. Ah, c'est fou. C'est fou. Non. Je déteste Céline. J'adore le beat, mais je suis pas convaincu du petit look, du choix artistique de faire skipper la chanson dedans. Parce que c'est vraiment dans la chanson, là, c'est pas un problème dans votre radio ou dans mes MP3, c'est vraiment comme ça. La chanson skip. Je trouve ça bizarre, mais j'adore la chanson en général. Ouais, c'est pas vrai. C'était 10 SPD avec Old Dirty Blaster. Un petit peu une parodie de Old Dirty Bastard. Au retour, c'est un Fit Tech Edition. C'est Lix et la Geekette en devenir. Ouh, Mathieu Plante Show. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est vous. Bonjour Mathieu Plante, avec Mathieu Plante et aussi Marie-Ève Picard. Eh oui, bonjour. Surtout, hello. Hello. Elle est toujours en préparatif de sa chronique La Geekette en devenir à la fin de l'émission. Ben oui. Ça s'en vient. Ouh. Pour rester là malgré tout, pour avoir votre récompense. Pour passer à travers de Mathieu Plante. Oui. Pour se rendre à moi. Hey, en plus, il y a deux fois mon nom dans le titre de l'émission, je veux dire, c'est insupportable. Ah ouais. En tout cas, je me demande pas c'est qui a décidé du nom de l'émission. Je sais hein? pas. C'est la préparation, c'est ça, ouais. Ah ouais. Tiens, on va continuer avec la deuxième chronique de l'émission. Voici, c'est un fait Tech Edition. C'est un fait Tech Edition, la chronique sœur de C'est un fait où on parle de choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet et version multimédia, Internet, technologie, jeux vidéo aujourd'hui, comme toujours. Alors, on commence avec ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. On recule, on recule pas pour ceux qui nous écoutent le mercredi parce qu'on est le 13 novembre et on recule en 1851 où c'était le premier message envoyé par câble de télégraphe sous-marin en dessous du canal anglais entre Dover en Angleterre et Calais en France, 1851. Et en 1982, c'était Scott Safran de Cherry Hill au New Jersey. Il avait 15 ans et c'est lui qui a battu le record du jeu Asteroids. Son record a tenu pendant 27 ans. C'est le plus long record de jeu vidéo de toute l'histoire. Ah, 27 ans! Wow, hein? 1982. Tabarnée! Ensuite, on avance un peu au 12... on recule encore plus, je pense. On y va dans le désert, dans l'inverse, c'est ça. Ouais, voilà. On recule au 12 novembre en 1970. La Oregon Highway Divisions, qui... dans le fond, ils ont essayé de détruire une baleine avec des explosifs. Okay? Hein? Bref, on... comme genre, mettons, tu vas essayer de faire fumer une grenouille, mais là, ils se sont dit... Tu sais, qu'est-ce qu'on ferait donc pas, hein? On va faire exploser bombe dans une baleine. Ben ouais. Bref, ils ont documenté ça dans une station de télévision locale et ça c'est devenu, une vidéo super virale en 1970. Dans les chaînes de télévision, ils se partagent cette vidéo-là. C'est devenu super populaire. C'est la vidéo Exploding Whales, vous allez chercher sur YouTube. Ouais. Mais est-ce que à ce moment-là, les baleines étaient en voie d'extinction? Ah, je sais pas, hein? Bonne question, je sais pas. Ben, sûrement pas, d'après moi. Je pense qu'ils ont dû arrêter de faire exploser des baleines. Ouais, c'est ça. Ça fait pas très beau. Non. On recule au 11 novembre 1930. Albert Einstein, oui, ce Albert Einstein-là, et Leo Szilard ont reçu un brevet américain pour un réfrigérateur qui n'avait pas besoin d'électricité. Juste une source de chaleur. Hein? Et là, demandez-moi pas comment ça fonctionne. Je ne suis pas Einstein. Mais bref, Electrolux a acheté le brevet plus tard pour ce réfrigérateur-là. Mais là, pourquoi qu'on a pas ça? Pourquoi? Les compagnies d'électricité font peut-être pour tant d'argent. En 2006, la Sony PlayStation 3 a commencé à être vendue, a été mise en vente avec lecteur Blu-ray intégré et disque dur et tout et tout. 2006, la Sony PlayStation 3 et cet automne, dans les prochains jours, je crois que c'est en novembre, c'est ce mois-ci, que la PlayStation 4 sort. Donc 6, okay. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 ans. Là, vous le voyez pas, là, mais il vient de compter sur ses doigts. C'est ça. J'ai pas honte, je m'assume pleinement. En 1983, on recule au 10 novembre maintenant, Fred Cohen fait une démonstration de comment insérer du code dans une commande Unix pour réussir à gagner, à prendre le contrôle du système. Donc, son conseiller académique, Len Adelman, a comparé ça à un virus. Et c'était pas le premier code de son genre, mais c'est celui qui a inspiré le nom de virus. Oh. En 1983. Toujours cette année-là, au Plaza Hotel de New York, Bill Gates a annoncé Windows. À l'origine, ça devait s'appeler Interface Manager, mais Roland Hansen a convaincu Gates de changer de nom et ça a pris 2 ans avant que Microsoft mette en vente Windows. Donc ça, c'était en 83 et premier Windows 1.0 en 85. Mmh. Et finalement, en 2001, toujours le 10 novembre, le premier iPod d'Apple est en vente Les analystes se mettaient d'accord. Dans le fond, il y avait un consensus pour dire que 400$ c'était trop cher pour un lecteur MP3, que ça allait être un flop total. Apple n'avait pas assez d'expérience dans les produits électroniques grand public et ils ont tous eu tort. Eh oui, il doit bien rire dans sa barbe. Oui, c'est ça, ils doivent s'être pousser une barbe. Là. On recule au 9 novembre en 2004 où la fondation Mozilla sort Firefox 1.0 avec onglets. C'était révolutionnaire les onglets à cette époque-là. Il n'y avait personne qui avait des onglets. Pour pouvoir ouvrir plusieurs. T'ouvrais tout le temps genre 45 fenêtres Internet Explorer. Lire des nouvelles, c'était vraiment dur. Ah ouais, vraiment. Ouais. Donc Mozilla Firefox 1.0 avec un bloqueur de pop-up aussi en 2004. Et on recule au 8 novembre, maintenant en 1887, où l'immigrant allemand Emil Berliner brevette, c'est le, comme ça qu'on accorde là-bas. Je sais pas. Bref, demande un brevet pour un système d'enregistrement de son qui utilisait des disques plats à la place des cylindres. La première version était fabriquée à partir de vitres. À partir de vitres pour enregistrer des sons. Et on recule au 7... j'arrête pas de dire « et » alors que c'est vraiment pas le dernier. 7 novembre 1994, l'Université de la Caroline du Nord, la station de radio étudiante WXYC commence, ou en fait débute, la première diffusion sur Internet au monde. Donc, DJ Michael Schaffner a installé cette diffusion web. Le simulcast, donc la balado... Ouais. Pas la balado diffusion, mais la diffusion simultanée sur Internet existe encore aujourd'hui. C'est la radio WXYC de l'Université de la Caroline du Nord. Cool. 94, c'est tôt. Et là, le « et » est approprié. On recule au 6 novembre en 1928 où le New York Times commence à faire flasher des grands titres à l'extérieur de ses bureaux à Times Square en utilisant une pancarte électronique enveloppée autour du quatrième étage de leur bâtisse. Et donc, ça a mené éventuellement au Times Square qu'on connaît aujourd'hui où tout bouge et tout est coloré. Illuminé, ouais. C'est beau, hein? Ah oui. Ça a commencé en 1928. Il faut y aller. Il faut absolument vivre ça dans sa vie, ce que j'ai jamais fait, fait que je pars à travers mon chapeau. Ben, les petits voyages, là, à New York, genre de 150 pièces trois jours, là, c'est pas vrai, ça? Flashback de New York. Non. Maintenant, quelques faits en rafale sur le domaine, dans le domaine de la technologie. Les entrepôts de Amazon ont plus de pieds carrés que 700 fois le Madison Square Gardens. Ils pourraient emmagasiner plus d'eau que 10 000 piscines olympiques. Tabarouette! Les entrepôts d'Amazon, c'est gigantesque. Quand même, hein? 33% des foyers américains ou 37 millions de foyers sont propriétaires de produits Apple. Oh! Pas pire. 42% des propriétaires de téléphones cellulaires intelligents qui utilisent leur téléphone pour faire des recherches de produits avant de faire un achat ont trouvé des prix moins chers ailleurs. 42%. Il faudrait peut-être s'y mettre. Hein? Ben, moi, je le fais pourtant tout le temps, mais c'est des fois, c'est la... Non, tu le fais pas tout le temps. Non, pas tout. Ben, je regarde plus les critiques. Tu regardes, mettons, des grosses affaires. Là, parce que je veux tout de suite. Ouais. J'ai vu là. On peut pas attendre deux jours. Là. Hey, non. Je vis dans le présent. 4 consommateurs de podcasts ou de balado-diffusion sur 10 aux États-Unis ont un salaire moyen de plus de 75 000 $. Donc, les amateurs de podcasts, balado, c'est des gens riches d'habitude. Ouais. Mais pourtant, c'est tellement le fun, les balados. Eh ben. J'écoute tellement de balados, j'adore ça. 92% des propriétaires de téléphones cellulaires intelligents partagent des clips vidéo avec les autres. 92%. Tiens, presque tout le monde. Ouais. Les CD et DVD ont une vie espérée, donc une durée de vie espérée de 15 à 45 ans. Pour, dans le fond, pour garder ses données. Parce qu'entre 15 et 45 ans plus tard, tu pourrais perdre les données sur ton CD ou DVD. Même ça, mais il y a une grosse marge entre 15 et 45. Ça dépend des marques, ça dépend de l'épaisseur du disque, ça dépend plein de choses. Eh ben. Ouais. Facebook. Les utilisateurs de Facebook partagent 2,5 milliards de contenus, donc de morceaux de contenu d'images individuelles, de photos, de vidéos. Ouais. Sur le site à tous les jours. Hey. 2,5 milliards de morceaux. Quand même. iTunes est basé sur le logiciel SoundJam MP, qui est un logiciel, un lecteur d'audio basé sur, pour Mac OS X, dans le fond, qui était fabriqué par Cassidy et Green en 1999, que c'est sorti. Le logiciel a été acheté par Apple en l'an 2000 et c'est devenu donc le iTunes qu'on connaît aujourd'hui, de plus en plus gros, rempli de fonctionnalités qui devraient être enlevées de iTunes et mis dans d'autres logiciels indépendants. Mm. Mais ça, c'est un autre sujet. En jeu vidéo maintenant... dans le jeu Borderlands 2 de Gearbox Software sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, il y a un personnage qui s'appelle Tiny Tina et elle a un œil croche, un œil paresseux. Ah non! Et en fait, c'était un bug dans le logiciel. Oh! Et à la place de réparer le bug, les développeurs trouvaient que ça allait bien avec le personnage, donc ils ont décidé de le garder. De le garder, oh! C'est drôle. Elle est comme hyperactive, un petit peu fofolle. Ouais. Donc ils se sont dit, hey, c'est un bug trop génial. On reste avec ça. Mais souvent, hein, ces affaires-là, c'est le même que ça arrive. Ouais. Genre les seins de Lara Croft, on a déjà parlé. Ouais, c'est quelqu'un qui a juste gonflé ses seins par mégarde et puis c'est resté. C'est resté. Le script anglophone pour Sonic Colors sur la Nintendo Wii a été écrit par Ken Pontac et Warren Graff. Ces noms-là te disent rien du tout. Non. Mais ce sont les mêmes scripteurs que la série sur YouTube Happy Tree Friends. Tu sais, où les animaux s'entretuent, il y a du sang là-dedans. Ah oui, oui, oui, OK. C'est les mêmes scripteurs. Ah cool. Ouais. Et finalement, dans Assassin's Creed Brotherhood sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, la trame sonore du jeu a été incluse en tant que bonus pour ceux qui précommandaient le jeu. Par contre, les fichiers de la trame sonore disent avoir été encodés par Arsa 13, qui est l'utilisateur responsable d'avoir mis une copie illégale de la bande sonore sur des sites de torrent. Donc, la compagnie Ubisoft, derrière Assassin's Creed Brotherhood, ont pris les fichiers illégaux de Arsa 13 pour les redonner en tant que bonus pour ceux qui ont précommandé le jeu. Pour vrai! Ah, c'est drôle! C'est quelque chose en mots, t'as dit ça. Oui. Donc voilà pour cette fête à Ganesh. Ah, déjà? C'est déjà fini? Malheureusement, c'est déjà tout. On va transitionner de façon tout ce qui est le plus subtil, comme on aime le faire. Ah oui, écoutons donc. Est-ce que tu viens avec une chronique geek, Cénix? Ah, oh, oui, donc. Okay. Cédric, c'est la chronique la plus geek de la radio. Tu l'as bien dit, ma chère. Ben oui, tout à fait. Très bien dit. Ouais, merci. Commençons avec un nouveau brevet qui a été déposé par Motorola, qui appartient à Google. Un tatouage électronique situé sur la gorge d'une personne est capable de se connecter en Bluetooth pour communiquer avec un terminal mobile. Étrange quand même. Donc, un tatou sur la gorge de l'utilisateur qui intégrerait un microphone capable de communiquer en Bluetooth, en Near Field Communication, le NFC, là, comme sur les téléphones Android, entre autres, ou avec d'autres moyens de communication à courte portée. Les smartphones, les tablettes, les ordinateurs ou encore les consoles portables pourraient être concernés. Un tel microphone permettrait d'offrir un meilleur son durant les communications en réduisant les bruits ambiants, mais c'est pas tout. Le tatouage pourrait également intégrer un détecteur galvanique qui permettrait d'interpréter les réponses de son porteur pour savoir s'il dit la vérité. Un genre de détecteur de mensonges, mais dans ton tatou, dans le cou. Il pourrait également être possible de contrôler une interface utilisateur à l'aide de ce système. Donc, mettons, un handicapé pourrait contrôler par ses, ses cordes vocales ou quoi, ouais. Sa souris d'ordinateur ou quelque chose comme ça. Ce qui pourrait être une bonne avancée pour les handicapés. Ouais. Ben, moi, je le voyais plus... Je sais pas, mais ça, je voyais ça, ça va loin, là, quand c'est rendu que ton tatou peut pas en faire tout ça. Tatou garni, t'es inclus? Ouais. Donc, on souligne chez More Insights and Strategy que l'armée utilise déjà des microphones de gorge pour rendre les communications plus claires. Reste à savoir si une telle démarche serait adoptée par le grand public. Tu sais, c'est un peu comme les fumeurs qui ont le cancer de la gorge puis qui se font installer un micro dans... Ça ouais. Sonne pas bien, ça. Non, non, pas en doute. J'espère qu'on est rendu plus loin que ça. Salut! Des conceptrices suédoises ont développé le concept d'un casque à vélo invisible. Vous avez peut-être vu la nouvelle passée, je vous en parle quand même. C'est pas un canular du tout. Il s'agit essentiellement d'un couvre-nuque qui déploie un casque gonflable lorsqu'une collision est détectée. Cool! Le produit est déjà en vente sur la boutique en ligne du studio Offbing pour la somme de 400 $ américains, non, euros. Donc ça fait 560 $ américains. C'est cher en maudit pour un casque, ça. Ben, pas donné. Pas si pire. Je m'attendais à ce que ce soit plus que ça. Pour la technologie derrière, c'est pas si cher payé. Ouais, c'est ça. Il faudrait être fou pour commander plus d'un produit simplement pour qu'il s'harmonise avec. Je suis en train de lire le paragraphe du site branchez-vous.com. Attends un peu. Le tissu recouvrant le couvre-nuque est interchangeable et il est possible de se procurer le design de votre choix pour environ 83 $. On peut couvrir le casque, le protège-nuque si on veut. Le Huffing est le résultat d'une recherche intensive dont le développement a débuté en 2005 et l'entreprise dit avoir développé au fil des années une expertise dans la technologie de casque gonflable. Des milliers d'accidents de vélo ont été simulés afin d'en déterminer les conséquences et de concevoir un sac gonflable pouvant protéger la tête dans toutes les situations. Le casque en question a été développé en collaboration avec Alva, une entreprise spécialisée dans la conception et la production de sacs gonflables. Donc, ils savent ce qu'ils font avec les sacs gonflables, je pense. Oui, effectivement. On pourrait dire ça. Ce serait le fun. Ça ferait que les gens auraient moins à faire attention, c'est pas vrai. Mais non! Après, je leur fonce dedans. C'est pas grave, ils ont un casque, non? Mais non! C'est pas vrai, je suis moi-même un cycliste par moment depuis... Mais c'est quand même cool, je trouve, parce que c'est pas tout à fait très beau des casques de vélo. Ben, c'est qu'un casque de vélo, tu le porteras pas parce que c'est laid, alors que cette affaire-là, tu vas le porter parce que ça paraît pas. Exactement. Pourquoi ne pas le porter? Fait qu'en plus, t'es protégé. Un jour, ça sera abordable. Ah ouais, peut-être. Maintenant, un scanner qui compte le nombre de calories dans l'assiette. Oh! Oui. Hey, j'aime ça. Ah, ben tiens. Alors que de nombreux appareils de suivi permettent de quantifier le nombre de calories qu'on dépense en faisant du sport, c'est des petits bracelets dont on parle tout le temps, les personnes soucieuses de leur poids doivent encore détailler chaque aliment qu'elles consomment pour savoir le nombre de calories consommées au total. Mais un nouveau scanner pourrait bien changer la donne. Cool. TechSpec. Qui lève actuellement des fonds sur la plateforme de financement Indiegogo, est un gadget astucieux qui... Astucieux. Astucieux. Qui se connecte à son téléphone intelligent pour fournir le décompte des calories présentes dans les aliments, mais aussi les allergènes juste en les scannant. Donc, mettons les noix. Ah, c'est super génial, ça. Vraiment, il suffit de passer les produits devant ce scanner de poche, que ce soit une pomme ou une assiette de pâte, et le spectromètre de Telspec qui a recours à des lasers pour évaluer la composition chimique des aliments. Pardon, utilise un algorithme pour calculer non seulement les calories, mais aussi détecter les ingrédients. Cet appareil permet de savoir s'ils contiennent ou non du gluten, des gras trans, des pesticides. Toutes les données sont ensuite envoyées vers une application sur son téléphone intelligent afin de pouvoir vérifier les détails avant de passer à table. Le fabricant propose aux personnes qui soutiendront le produit en amont, donc ça veut dire leur envoyer de l'argent, quelle phrase drôle, de recevoir l'appareil et la possibilité d'analyser les aliments en illimité pendant 2 ans pour 150$. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'il va y avoir un forfait par mois ou par année pour ceux qui font pas ça. Ouais, c'est ça. Bon. L'application Meal Snap est une alternative plus abordable mais moins fiable au prix de 3$ sur le App Store en ce moment. Et elle permet, c'est très pertinent, permet d'identifier les aliments photographiés et propose un décompte calorique à la louche envoyé à l'utilisateur en quelques minutes. Ah, quand même. C'est cool, Meal Snap. Cool. Ben, je connaissais pas ça. Ben, coudon, on va essayer ça ce soir. OK, je pensais que c'était pas pertinent. C'est pertinent? Ben, mais ça, c'est pertinent. Sony dévoile la tablette de papier numérique la plus mince au monde. Ouais, donc Sony va proposer dès le 3 décembre au Japon un nouveau modèle de papier numérique, le DPT-S1, c'est présenté comme le papier le plus fin au monde, papier numérique, évidemment. Un appareil qui ne sera pas bon marché, on s'y attend. Donc, dimension de 23,3 par 31 par 0,68 cm. Le DPT-S1 ou le DPT, comme je l'appelle, est présenté par Sony comme étant la tablette de papier numérique la plus fine au monde. Le dispositif tactile utilise le système d'encre électronique e-ink Mobius et se destine aux utilisateurs qui veulent prendre beaucoup de notes tout en économisant le papier et en les sauvegardant numériquement. La possibilité de s'affranchir du papier et de conserver ses notes au format numérique à un prix non négligeable. L'appareil va être environ à 90 000 yens. C'est quoi ça? C'est 735 €. Peu importe. Le DPT S1 sera disponible en décembre au Japon et donc sur Internet aussi, pas précommande, mais en importation. Une sortie dans le reste du monde n'est pas à exclure, mais Sony n'a rien annoncé dans ce sens. Fantastique. J'ai hâte de voir. Ouais, moi aussi. Une boutique Vodafone, une compagnie de téléphone, est évacuée alors qu'un iPad Air prend feu. Ouais, un iPad Air en démonstration dans un magasin en Australie se serait enflammé, forçant les clients et le personnel à évacuer les lieux. Selon ce que rapporte un porte-parole de Vodafone au site australien News. Très original, hein? C'est comme Radio, comme nom de station de radio, ouais. Mais juste News. Un éclat de flamme aurait surgi du port d'alimentation de l'iPad en démonstration. Aïe, aïe. Aïe. Ouais. Encore une affaire du... Ça fait peur, hein? Oui, c'est l'autre fille là qui sortait de la douche. Son bain, ouais. Elle avait pris son iPod, là. Son iPhone, je sais. Ça, c'est à cause de... On disait à cause d'un, d'un truc, un fil... Qui était pas le sien. Pas Apple, qui était pas, genre, le vrai Apple. Là, garde encore un autre enfant de moi. Mais ça devrait être, j'imagine, un fil à Apple, étant donné que c'est dans un Apple Store. What? Non, c'est dans un Vodafone Store, dans un magasin Vodafone. Ouais. Pas nécessairement un fil à Apple, ça. Alors, tu vois? Moi, c'est dangereux. Ouais. Les pompiers, une fois sur place, ont constaté que des étincelles continuaient d'émerger du port d'alimentation de l'appareil en question. Et heureusement, personne n'a été blessé. Un représentant d'Apple a repris l'appareil effectué afin d'enquêter. Ce n'est pas la première fois qu'un produit Apple provoque, comme on disait, un problème semblable, blablabla. La cause de ce genre de dysfonction est généralement associée à l'utilisation de chargeurs non accrédités par Apple. Exactement ce qu'on disait. Ah, très mauvaise nouvelle par rapport au feu, encore une fois. C'est mon site préféré ever, archive.org, là où toutes mes balado-diffusions vivent pour l'éternité, parce qu'ils veulent rassembler tout le contenu de tout Internet au complet. Ouais. Sur archive.org. Donc, l'Internet Archive appelle aux dons après un incendie. Le site Internet Archive, la machine a remonté le temps. On peut aller sur archive.org pour taper un site et on va le voir tel qu'il était en 97, mettons. Oui, oui. J'adore ce site-là avec amour. On en parlait pas la semaine dernière même, en plus, je ou il y a 2 semaines. Oui, on en parle régulièrement même, tellement c'est un site fantastique. Donc, je cite, des documents étaient dans le centre pour y être numérisés, mais la plupart étaient dans une pièce fermée, séparée, dans nos archives physiques. Ils n'ont donc pas été perdus. Mais parmi les documents perdus, malheureusement, la moitié seulement avait été numérisée. Donc, on travaille actuellement pour évaluer l'ampleur exacte des dégâts. Fin de la citation. Ce site a pour but, non lucratif, a été créé en 96. Il aide les chercheurs, historiens et étudiants notamment à retrouver des collections historiques qui existent sous forme numérique. Donc, ils ont archivé environ 364 milliards de pages web ainsi que des documents textes, audio, des films et des logiciels. Allez faire un don sur archive.org, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est Movember, c'est bien beau, là, mais un petit 10, un petit 20 à Wikipédia puis à archive.org, c'est essentiel. Ouais. Ça fait tourner le web, c'est le genre dans les sites les plus populaires du web, puis ils roulent avec presque rien. Ouais, mais bon. On s'entend. Pas autant d'argent que Google puis Microsoft. C'est ça. C'est pas de Bill Gates. Exact. Je vais sauter quelques affaires. Vous laissez les liens sur assemblagerequis.com. Amazon pourrait livrer le dimanche aux États-Unis. Donc, c'est une avancée qui s'en vient. Wow. Chrome, le furteur web qui va vous indiquer d'où provient une piste audio non désirée en vous mettant une petite icône sur le coin de l'onglet. C'est une très, très bonne idée. Microsoft suspend un joueur pour avoir utilisé sa Xbox One quelques jours avant sa sortie. En fait, trop tôt. Il y a Sony qui présente les entrailles de la PlayStation 4, c'est-à-dire que Sony fait son propre unboxing maintenant. Sérieux, c'est un peu loser. Unbox. Bon. Unbox et on regarde à l'intérieur de la console. À Paris, il y a un hôtel qui est dédié à la nouvelle console Xbox One. Et finalement, celle-là, je vais vous la lire parce que ça me touche, ce genre de projet-là. Je vous en parle encore une fois très souvent du Humble Indie Bundle, où on peut donner de l'argent, un montant qu'on veut, et on reçoit en retour des jeux vidéo dans son Steam, son application Steam ou autre. Et on peut jouer pour l'éternité à ça, pour un très petit montant, et ça va à des bonnes causes. Donc, déjà exploité par la myriade de Humble Bundle ces dernières années, le Humble Store vient d'être mis à jour pour devenir une vraie boutique en ligne disponible sur le web à l'adresse suivante, c'est humblebundle.com. L'endroit proposera des services comparables à la plupart des autres services de distribution en ligne. Mais avec une différence notable, l'argent récolté à chaque jeu sera réparti entre les développeurs à 75%. Et là, avant, on pouvait choisir le pourcentage qu'elle a acquis. Là, c'est 75% aux développeurs. Les propriétaires du service Humble vont avoir 15% pour pouvoir justement survivre. Et un groupe d'organisations caritatives aura 10%. Cette boutique toute neuve dispose déjà d'un catalogue de jeux fort intéressant. On y trouve déjà les promotions sur Prison Architect, le très bon Rogue Legacy, nous dit-on, sur GameCube.com, Euro Truck Simulator 2, Cavalry Medieval Warfare et quelques autres, dont Orcs Must Die 2. Donc, des jeux indie, surtout. Ça s'appelle quand même le Indie Bundle, Humble Indie Bundle. Bref, donc allez voir ça sur humblebundle.com. Mais pourquoi tu penses, est-ce que tu penses qu'ils ont changé ça parce qu'ils voulaient, dans le fond, ceux qui faisaient les jeux, là, ils avaient pas un assez gros pourcentage? Ben, en fait, cette formule-là, je sais pas c'est quoi sa raison, mais l'autre reste. L'autre Humble Bundle plus temporel continue. Ouais. Et il y a aussi le Deal of the Day ou Deal of the Week. Okay. C'est la Humble Weekly Sale qui existe toujours et le Humble Bundle en tant que tel. Okay. Donc, il y a trois onglets sur le site. On peut aller vraiment dans la façon qu'on veut. Et dans le Humble Bundle, on peut choisir les pourcentages. OK. Donc, voilà pour Cenix. Je crois qu'on devrait... on va faire un petit survol rapide du web. Ça t'entends-tu? Avant de passer à la geekette de venir, on va faire ça vraiment vite. Là, tu dirais un wow. What? Web! C'est WoW at Web, la portion de Cenix où on fait le tour du web, entre autres. Et là, on va y aller vraiment vite, on n'a pas tant de temps que ça. Mais commençons avec des films de zombies et des émissions de télé de zombies, mais recréées comme si c'était des œuvres impressionnistes. C'est l'impressionniste dans l'art, dans la peinture. Dans la peinture, oui. Donc, c'est l'artiste George Fow qui fait cette série-là qui s'appelle Zombiescapes. Il a pris des scènes de films de zombies comme Zombieland, Dawn of the Dead, Night of the Living Dead et les a rendus absolument colorés, jolis et comme un petit peu, pas abstraites, mais flous un peu. Oh. C'est très beau, allez voir ça. C'est sur assemblagerequis.com. Cute! Cute! Ensuite, toujours dans le domaine du cute, et ça m'impressionne pas mal. Les gifs animés, je trouve ça cool, tu sais. Oui, c'est vraiment hot. C'est le fun. Et le gars, en fait, c'est pas le gars, c'est une section sur le site reddit.com, dans le /r/fullmoviegifs. Ils reprennent des films au complet et les recréent en gifs animés. Donc, je clique sur le Big Lebowski et le gif animé qui va évidemment être super long à charger parce que c'est un film au complet. Ah ouais? Là. On voit les scènes importantes du film rouler. Super. Wow! Comme Sonic. Comme qui? Comme Sonic avec sa queue. Ah, oh, Sonic, je pensais que t'avais dit comme Céline avec son... Mais non, quand elle fait du yodel. Ouais, elle a rendu qu'elle fait ça. Ben, en tout cas, elle a rendu qu'elle fait bien des affaires qu'on aime pas. Ouais, en tout cas. Ensuite, un système à la Pandora. Pandora, c'est les stations de radio sur Internet que tu peux comme écouter de la musique... genre un petit peu au hasard, puis dire ouais. J'aime ça, j'aime pas ça. Bon. Ouais. Bref, il y a un genre de Pandora pour la pornographie. Hein, ben oui, Porn IQ, c'est un site web qu'on retrouve sur porniq.com qui crée une playlist de films adultes basée sur trois options à choisir. Par exemple, est-ce que t'aimes ça kinky? Je vais grossir mon texte un petit peu. Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimes les filles un petit peu plus grosses? Est-ce que t'aimes les beautés orientales? Est-ce que t'aimes les gens déguisés? Est-ce que t'aimes des grosses fesses, gros seins? Tu peux choisir ensuite une catégorie comme MILF, Hardcore, chubby. Dernière question, combien de temps est-ce que tu as? Est-ce que tu as moins de 5 minutes, 5 à 20 minutes ou 20 minutes et plus? Oh my God! C'est n'importe quoi! PornIQ.com. Oh! IQ. C'est tellement drôle. Ensuite, il y a un fan qui a refait Phantom Menace, le film de Star Wars, mais en faisant mourir Jar Jar dès le début. Parce que Jar Jar, c'est l'extraterrestre que personne aime, le personnage qui n'aurait jamais été inventé. Donc, il reprend la scène avec la chute d'eau au début du film et fait envoyer le vaisseau de Jar Jar dans au bas du ravin. Ben voyons donc. Cool. Allez voir ça. Ensuite, une tortue qui est amputée d'une patte et le gars a décidé de remplacer sa patte par une roue de Lego. Pourquoi pas? Les photos sur le site. Ben oui. Ensuite, j'aurais aimé ça le faire jouer en manque de temps. Allez le retrouver sur assemblagerequis.com. Mais c'est un Pokémon rap. OK, un rap de Pokémon. Uh-huh. Mais avec les 718 monstres de Pokémon. Et on mentionne le nom de chacun des 718. Yo-Yo Pikachu. Yo-Yo Water Bottle. Je connais pas les... Ouais, c'est ça. C'est par Call of Duty Humor. Ils sont toujours très, très drôles. C'est toujours réussi. Ensuite, le film de Hunger Games refait, mais en utilisant des chats qui s'emmerdent complètement et qui n'ont pas envie d'être là du tout. Donc, la version féline de Hunger Games. J'aurais pu te le montrer, celui-là, puis t'en aurais peut-être parlé, mais en même temps... Ouais, pas grave. Bon, on s'en fout. Je pense qu'on va y aller avec un... Ouais, c'est pas mal ça pour le tour du web. C'est assez pour l'instant. T'as fait ta vie? Ben, merci, mais efficace, comme on dit. Oui. Ce qui nous amène, bien sûr, comme à chaque fin d'émission... À la geekette en devenir. Marie-Ève Picard est notre geekette en devenir. Elle devient de plus en plus. À un moment donné, il va falloir qu'on dise la geekette en général. Devenue. La geekette devient due. Non, ça sonne pas bien du tout. Non, c'est pas très beau. De quoi nous parles-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as découvert sur le web? Ben écoute, pour faire suite à tes Pokémon de tout à l'heure que tu parlais. Ouais. Ouais. Et même un peu, en fait, t'as pas mal toute ta chronique qui semblait avoir des choses refaites en d'autres choses. En fait, il y a l'artiste Charlie Romeo de San Diego qui, dans le fond, a redessiné les caractères, dans le fond, des Pokémon. Les personnages, c'est ça, oui. Des Pokémon, mais de façon réalistique. OK. Ça donne quelque chose de vraiment... Ben, c'est beau. Évidemment, le lien est sur le site. Là, je vais m'y rendre en même temps pour savoir un peu de quoi tu parles. Lalalala. C'est beau, mais c'est vraiment bizarre un peu. Tu sais, ça a l'air comme... OK, on dirait des dinosaures, c'est ça. Ouais, on dirait Jurassic Park. C'est ça, ça a l'air réel fake en même temps. Mais c'est tellement réussi, je veux dire, je peux même pas croire ça. C'est magnifique, là, c'est vraiment beau. Surtout le dernier, là, en bas, c'est super cute. On dirait des genres de petits dinosaures enfants inoffensifs, un peu comme dans la sitcom des années 90, Dinosaurs. Est-ce que tu te rappelles? Non, peut-être. Ça me fait penser à ça. Je me souviens juste du film Petit Pied, Dinosaure, Petit Pied, oui. Petit Pied. Lequel? Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Je les ai toutes vues. Ah, c'est beau. Oui, en tout cas, vraiment, là, c'est très, très beau. Mm-hmm. Ensuite... Etsy, tu sais que j'adore Etsy. Ça, c'est la boutique où les gens peuvent proposer des produits et les gens vont les acheter sur Etsy. Tout à fait. Tu fais bien de le rappeler. Des fois, j'y pense pas. Hein. Faut prendre le public pour des caves. Oui, c'est vrai. Je m'excuse. Salut les caves! Hello! Hello! Écoute, il y a Etsy Seller, dans le fond, qui est son nom d'artiste, parce que, dans le fond, ils mettent pas tout le temps leur vrai nom. Non, et lui, il a choisi vendeur sur Etsy. Et c'est voilà. Simple comme ça, OK. C'est ça. Et lui, dans le fond, son fun, c'est de recréer des... en fait, dans des crayons de cire, mettons, des personnages ou des choses de films, en fait, là. OK. Comme, par exemple, Star Wars. Évidemment. Pas le choix. Mm-hmm. Et puis, il y avait aussi... attends un peu... Game of Thrones. Okay. Et je suis pas certaine, mais je pense qu'on peut peut-être y demander... De faire des costumes, ouais, si on veut. C'est ça, exactement. Ouais. On pourrait prendre les personnages de iCarly puis Victorious, puis leur faire des figures, des crayons de cire en ces formes-là. Oui, vraiment. Ouais. Mais c'est quand même assez cher. Ben, c'est cher puis c'est pas cher en même temps. Là. Mettons un crayon normal, ben... Un seul crayon de cire, ça coûterait quoi, 2 cents, genre? Non, c'est ça. Mais lui, ça coûte comme 40$. Par environ. Crayon? Ouais. OK. Mais quand t'as des gros noms puis des grosses affaires, puis où tu veux un paquet, là, un package deal, comme on dit, là, ça peut aller jusqu'à comme 300-400$. Alors, c'est quand même assez cher. Il t'écrira jamais avec ben ça. Ben non, tu peux pas. Puis t'espères qu'il fera pas trop chaud chez vous parce que on sait tout ce que tu sais. De la cire, ça pourrait fondre. Genre, ta nièce qui vient de visiter la maison puis sort les crayons de cire sans faire exprès, genre un petit tiroir. Puis, ah, mon Dieu! C'est ça, elle le sait pas, tu sais. Game of Thrones, c'est quoi ça? Je vais écrire avec. Game of Usher, peut-être? Ouais. Non, pas tant. Non. Enfin. Ensuite. Voilà. Ensuite de ça, il y a une série de photos, en fait, sur Internet, qui est mise. C'est, dans le fond, des industries qui ont été abandonnées. Des Toys Factories. Des genres d'usines de jouets pour enfants. Exactement, c'est ça. Je cherchais le mot. Je me cherche beaucoup aujourd'hui. C'est pas grave, je fais la même chose. Ouais. Pas trop. Donc, c'est ça. Ils ont mis des séries de photos de qui sont... Voyons, hey! OK. Ça fait peur un peu. Je vois les photos en ce moment. Oui, c'est ça. Je suis comme trop hypnotisée en même temps. Je regarde puis je me dis... C'est ça. Ben, c'est les poupées ont l'air de te regarder. En fait, c'est pas les poupées. C'est comme des têtes de mannequins. C'est comme des poupées, des jouets qui n'ont jamais été finis. Ben, j'imagine que ça devait coûter cher de fermer l'usine. Donc, à la place, ils ont juste laissé ça comme c'était. C'est ça. Oui. Puis, il y a des gens qui ont posé. Et ça donne... c'est abandonné, là. Oui. Fait que ça fait pas... Ça fait peur, un peu. Tu pourrais facilement filmer, genre, la suite de ça. Ah ouais. Comme ça, genre décadence. Ça ferait des belles places pour faire des films d'horreur. Ah, pour vrai. Les dernières photos des poupées, genre, qui sont comme toutes déchirées de la face, là. Ah! Dis, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé, là? Parce que... Non. J'aime pas ça. Non. OK, on change d'abord. Next. OK. j'aurais dû commencer par lui, mais c'est pas grave. Tu sais, je parlais d'Etsy tout à l'heure, qu'on aime beaucoup. Eh bien, il y a l'artiste Daniel Ward, dans le fond, qui fait des robes pour les filles, mais à saveur comme... Ben, costume, si on veut, là, dans le fond. Elle aurait fait des... Un peu comme... voyons... Par exemple, mettons, on va donner un exemple, ça va aller mieux. Ouais. Comme Wonder Woman. OK. Tu sais, elle a un costume. Oui. Bon, ben, elle le transforme, mais comme en robe que tu pourrais porter dans la vie de tous les jours. OK. Donc, elle prend des super-héros connus et fait des robes avec. Exactement. Il y a Batman, entre autres. Oui, il y a Batman. Il y a Wonder Woman, comme je disais tout à l'heure. La dernière, on dirait la fille des restaurants Wendy, genre. Oui, vraiment. Mais je pense pas que ce soit ça. Mais j'arrive pas à trouver c'est quoi, celle-là. Mais c'est belle, la dernière robe, par contre. Mais non, j'aime l'idée parce que ça fait plus féminin que juste l'habit de... Même si Wonder Woman est à l'habitude très féminine aussi. Oh, mais oui. Avec un petit genre de... Une petite jupe flottante dans les airs. C'est ça. Marilyn Monroe. Parce que c'est super beau, là. Oui. Puis tu sais, les couleurs, on aime ça aussi, quand même. C'est bon. Oui. Et pour finir, comme on ne peut pas jamais finir sans avoir parlé de Princesse de Disney. Je l'attendais, mais pas vrai, tu sais. Et tu en as parlé un peu en début d'émission, là. Dans le fond, c'est des photos des princesses de Disney, mais avec des barbes pour célébrer le Movember. Maudit Movember, sérieusement. On peut-tu avoir une affaire de pas gâcher par Movember? Les princesses de Disney sont tellement belles. Hein? Mais... Il y en a avec les barbes, genre, c'est pas très beau. Ça la fait pas très bien. C'est rare, les femmes à barbes qui sont sexy. Ouais. Ça existe, j'imagine. Mais... Ça fait un peu bizarre, tu sais. Fait qu'on voit Ariel, ta préférée. Belle, qui est pas super, je trouve, avec sa barbe, là, quand même. Il y a... Elle, l'autre, je la reconnais pas, là, parce que dans j'ai pas Princess vu le film. Dans Princess and the Frog, Oui, c'est ça, la princesse... C'est ça. Pocahontas, Cendrillon, Jasmine... Et c'est qu'ils dessinent les barbes dans le même style que les cheveux. Oui, le c'est ça. Le trait du cheveu est le même trait que la barbe et la couleur intérieure aussi. Exactement. C'est vraiment bien fait. Oui. Comme puis toujours. On a même Nala dans... Le Roi Lion! Oui! Donc, allez voir ça sur assemblagerequis.com. Tous les liens sont dans la geekette en devenir de l'émission du Mathieu Planchot, édition numéro 17, celle qui porte le nom de Michel Couillard. Bien sûr. Merci, Marie-Ève Picard. Ça me fait plaisir. Marie-Ève Couillard. Non, quand même pas. C'est tout pour le Mathieu Planchot pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain entre 16h et 18h. On se retrouve aussi en rediffusion si jamais vous avez plus envie de nous écouter le samedi entre 15 et 16. Consultez la programmation de C'est fou sur cifou.ca. Les notes de l'émission, les balles de diffusion sur assemblagerequis.com. Merci Marie-Ève Picard énormément. Merci Monsieur Couillard. Merci, on est tous des Couillards. La famille Couillard, c'est comme la famille Bois-Paquette, c'est... Moi, je suis Stéphanie Couillard, la sœur de Michel Couillard. Fait que moi, c'est Mike, dans le fond. Ouais. Mike de Couille Couillard. Yeah. Yes. Voilà pour le Mathieu Planchot, et je pense qu'on devrait se gâter en terminant avec une dernière pièce. On n'a pas joué beaucoup aujourd'hui. Ah ben? Ben ouais, mais je me gâte, là. Ben, je vois ça. Je vais trop loin, là. Hey, couillard, là. Quand est-ce qu'on va m'arrêter? Maintenant. Ah, OK. On s'en va entendre une pièce de Weird Bananas. Elle s'appelle Once. Donc, on va se quitter avec ça. Et puis, à la semaine prochaine. Bye-bye. Bye. Do crazy things.